Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sûr Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente une femme qui a bouleversé les connaissances naturalistes de son époque et qui est malheureusement tombée dans l'oubli depuis. Jeanne Villepreux-Power. Artiste, expérimentatrice, on lui donne notamment l'invention de dispositifs à l'origine de nos aquariums modernes. J'aurai ensuite la chance de recevoir Brian Aiello, taxidermiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, qui vient nous présenter son métier hors du commun. Bonjour Brian, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Nombreux sont les scientifiques qui ont marqué l'histoire des sciences naturelles et dont les noms décorent nos muséums et ornent nos rues. Sans forcément savoir pour quelles raisons ils sont connus aujourd'hui, leur patronyme vous parle forcément. Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, Louis de Banton, Jean-Baptiste de Lamarck, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ou encore Georges Cuvier. Tous sont des naturalistes passionnés qui ont en commun leur amour pour la nature, mais qui sont aussi exclusivement... des hommes. Où sont donc passées les femmes naturalistes? Il faut creuser, fouiller un peu plus, mais certaines d'entre elles ont bel et bien ajouté leur pierre à l'édifice. Et celle que j'aimerais vous présenter aujourd'hui a eu une vie et un parcours hors du commun. Née en 1794 à Juillac en Corrèze, Jeanne Villepreux est d'origine modeste. En 1812, alors âgée de 18 ans, Jeanne monte à pied à Paris pour occuper un emploi. Encore mineure, la majorité étant fixée à 21 ans à l'époque, elle doit voyager avec un tuteur. Et là, les choses se passent très mal. Arrivée à Orléans, son tuteur l'agresse et elle doit trouver refuge dans un couvent pour attendre l'arrivée de nouveaux papiers qui lui permettent de poursuivre son voyage. La poste n'allant pas à la même vitesse qu'aujourd'hui, quand elle arrive finalement à Paris, sa place est prise. Mais Jeanne ne se décourage pas. Elle se fait embaucher comme couturière. Son travail lui vaut l'admiration de son employeuse qui lui confie rapidement des tâches importantes. En 1816, elle brode la robe de mariage de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, princesse des deux Siciles qui épouse à Paris Charles-Ferdinand d'Artois, le duc de Berry, fils du comte d'Artois qui deviendra en 1824 le roi Charles X. Autant dire que Jeanne, notre jeune corrézienne, côtoie tout le gratin de la très haute société de l'époque. L'histoire raconte qu'un jeune et riche noble d'origine irlandaise, James Power, venu tout droit de l'île de la Dominique, se passionne tout autant pour la finesse des broderies de la robe de mariée que pour celle qui les a exécutées. Il pratique la négoce en Sicile, où bon nombre de Britanniques se bousculent depuis que le blocus napoléonien a plongé les Français en de bien mauvaises grâces. Il se marie en 1818 et s'installe à Messine, au nord-est de l'île, juste en face de la pointe de la botte italienne. Jeanne, devenue riche, peut maintenant vivre une vie mondaine de femme d'intérieur. Mais c'est bien mal la connaître. Elle apprend l'anglais et l'italien, se passionne pour la botanique, la zoologie et la minéralogie. Elle se met à sillonner la Sicile de part en part et rédige plusieurs guides exhaustifs, parus en 1839 et 1842 sous le nom de plume de Jeannette Power. Ces deux guides retracent l'histoire des villages mais répertorient aussi la faune et la flore locale. On y trouve 267 espèces d'oiseaux, plus de 600 mollusques, 132 poissons et 116 crustacés, ainsi qu'une flore de 627 plantes et 66 arbres. Elle dénombre également 610 fossiles, dont 250 coquillages et 142 minéraux récoltés sur l'Etna et qui rejoignent sa collection personnelle, un cabinet magnifique. Les Siciliens sont très fiers de son travail qui valorise leur île et son patrimoine naturel exceptionnel. Mais ce n'est pas tout. Jeanne se livre aussi à des expériences dans le cadre privé. Elle se passionne pour les chenilles et les papillons et observe le processus de métamorphose, encore peu décrit à l'époque, avec minutie. Elle suit ainsi plus de 200 espèces sur 15 ans. Elle héberge aussi pendant 15 mois, dans sa maison, un couple de jeunes martres et compile minutieusement les observations comportementales. Elle fait même installer un arbre chez elle, leur amène des proies vivantes et s'amuse de leur larcin ou de leur réaction face à des inconnus. Elle écrit... Désirant étudier les mœurs de ces petits animaux et connaître la portée de l'instinct dont ils peuvent être doués, je parvins à me procurer un couple, mâle et femelle, qui furent pris à l'âge d'environ 3 ou 4 mois dans les forêts du mont Etna. Je ne fus pas longtemps à m'apercevoir, d'après l'étude à laquelle je me livrais de suite, des mœurs et habitudes de la martre, qu'elle peut être considérée comme un sujet fort intéressant sous le rapport de la finesse de son esprit. On dirait qu'elle a conscience de ce qu'elle fait. Mais ce qui rend Jeanne célèbre à son époque sont ses travaux sur la faune marine, et plus particulièrement sur un petit céphalopode, l'argonaute voilier, Argonauta argo, qui ressemble un peu au nautile. L'argonaute est équipé d'une coquille très fine qui lui vaut le nom anglais de paper nautilus, qui protège son corps mou doté de 8 tentacules. À l'époque, l'animal pose plusieurs questions qui agitent les naturalistes. Récupère-t-il sa coquille comme le Bernard l'ermite et s'installe-t-il dedans comme un parasite? Ou bien la sécrète-t-il lui-même? Et comment se reproduit-il? Tous les spécimens observés pondent des œufs. Sont-ils donc exclusivement femelles? Jeanne, pour répondre à ces questions, s'inscrit dans une démarche scientifique et réalise des expériences. De manière répétée, elle casse partiellement les coquilles d'argonautes vivants et observe comment ils les réparent, les régénèrent grâce à des morceaux de coquilles laissés à leur disposition et grâce à leur propre sécrétion. Elle décrit aussi l'animal de manière si précise qu'elle perce le secret de leur reproduction. Le mâle argonaute, que l'on prenait jusqu'alors pour un parasite, est en réalité beaucoup plus petit que la femelle et possède un aspect très différent. Il mesure à peine 2 cm et est dépourvu de coquilles, alors que sa compagne peut atteindre 30 fois sa taille. Pour réaliser ses observations, Jeanne met au point des dispositifs innovants, des cages qui lui permettent de maintenir ses animaux aquatiques vivants. Dès 1832, elle crée 3 variantes de ses installations. Des boîtes en verre destinées à l'étude en cabinet, un modèle plus résistant doté d'une armature métallique qui est directement immergée dans la mer, et un troisième modèle en bois lesté au fond de l'eau. Jeanne introduit dans ses dispositifs des invertébrés, de quoi nourrir les argonautes, mais aussi des plantes marines, des cailloux et roches. Elle recrée un environnement fermé et ses inventions gagnent le nom de cage à la power. Jeanne a mis au point les premières versions de ce qui donnera nos aquariums modernes. Même si on reconnaît ses efforts, tout n'a pas été simple pour Jeanne. En 1835, elle fait transmettre à un collègue, Sanders Rang, un manuscrit qui présente ses recherches sur la coquille de l'argonaute. Celui-ci prend plus ou moins à son compte ses découvertes. Mais Henri-Marie Ducrotet de Blainville, professeur au Muséum de Paris, attaque ses travaux et maintient que l'argonaute est un parasite qui récupère sa coquille. Jeanne le rencontre plus tard en personne pour expliquer son point de vue, mais celui-ci reste inébranlable et lui conseille de répéter ses expériences. Jeanne est alors soutenue par Richard Owen, zoologue et paléontologue anglais, membre éminent de la Société zoologique de Londres. Il répond point par point, cloue le bec de Blainville et fournit même à Jeanne des argonautes supplémentaires à Londres pour affiner ses observations. Et toc ! Jeanne est admise comme membre correspondant de la Société zoologique de Londres et rejoint plusieurs académies savantes prestigieuses, fait rarissime pour une femme. En 1938, après 20 ans passés en Sicile, Jeanne et James partent s'installer à Paris. Malheureusement, le Bramley, le navire qui transporte leurs affaires, et notamment l'intégralité du cabinet de Jeanne, ainsi que toutes ses précieuses aquarelles, car oui, elle peint aussi, est engloutie par les flots. Une seule de ces illustrations représentant un argonaute vivant a survécu jusqu'à nous au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Malgré cette perte inestimable, Jeanne continue à écrire et ne se laisse pas abattre. Elle tient notamment à être reconnue pour ses travaux. Dans une lettre adressée à Richard Owen, datée du 21 août 1857, elle écrit « J'ai lu dans plusieurs journaux que l'on s'occupe beaucoup d'aquaria ou cages. Vous savez, monsieur, que depuis 1832 jusqu'à 1842, je m'en suis occupée. J'en avais inventé plusieurs en 1832 et 1834, que j'avais placé dans ma maison, comme vous savez, pour l'étude de l'argonauta et d'autres animaux marins et d'autres cages dans la mer. J'avais aussi inventé un aquarium en verre pour les petits individus que j'introduisis dans une cage déposée dans la mer. Comme c'est moi la première qui a eu l'idée d'étudier les animaux marins dans des aquarias ou cages, je tiens à conserver mes droits d'inventeur. » Installée dans la capitale française, elle retourne dans sa ville natale pour échapper au siège de Paris de 1870 et décède en 1871 à l'âge de 77 ans. James, son époux, la suit dans la tombe l'année suivante. Ils sont enterrés dans un cimetière, malheureusement rasé depuis. On ne trouve donc nulle trace du couple à Juillac. Tombés dans l'oubli, les travaux de Jeanne refont peu à peu surface grâce aux recherches de passionnés, comme notamment Claude Arnal, originaire de Juillac comme elle, qui milite et obtient avec succès que l'on baptise l'un des Patera, une structure géologique de la planète Vénus, Villepreux Power, en 1997. Inventrice, scientifique, artiste, voyageuse, Jeanne Villepreux Power a bouleversé les connaissances naturalistes de son époque. Applaudie en Sicile et dans les sociétés savantes de France et d'Angleterre, son nom brille désormais jusque dans les étoiles. Il serait donc bien temps de ne plus l'oublier. Et nous revoici avec notre invité, Brian Aiello, taxidermiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Alors, pour commencer et pour un peu mieux vous cerner, vous et votre parcours, je voulais vous demander, comment est-ce que vous êtes devenu taxidermiste? Est-ce que vous avez suivi une formation précise? Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier hors du commun? Alors d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément un seul parcours possible, ou une seule trajectoire, je dirais, possible. La mienne est la suivante. Je suis un passionné d'ornithologie, initialement. Donc, très rapidement, j'ai voulu m'orienter vers les filières techniques de l'environnement, donc ce que j'ai fait, dans l'optique de devenir technicien supérieur de parc national ou agent de l'ONCFS. Donc, avec dans l'idée d'avoir un métier plutôt de terrain et plutôt autour du suivi de police de l'environnement. Voilà, j'étais davantage sur cet axe-là. Et puis, à la fin de ce cursus technique, professionnel technique, la question se posait de savoir si je continuais en faculté, sur un cursus universitaire. Et puis, une rencontre avec un taxidermiste privé a fait que j'ai commencé à découvrir effectivement quelles étaient les différentes étapes. Et puis, comme je suis quelqu'un de particulièrement curieux par nature et que j'avais très envie de découvrir toutes ces étapes et de mettre les mains un petit peu dans le cambouis aussi, c'est-à-dire que j'avais vraiment cet attrait-là technique, mais qui n'était pas d'hier. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup aimé dessiner, sculpter. Je me sens plutôt un naturaliste au sens justement peut-être de ce que vous avez évoqué précédemment, c'est-à-dire je dis pas que je suis ça, mais j'aspire un petit peu à ça, c'est-à-dire à une forme plus complète de naturaliste et qui transcende un peu les différentes disciplines dans lesquelles on nous a un petit peu enfermés dans le courant du XXe siècle. Et je m'y retrouvais beaucoup, je trouvais à travers ce que je voyais, c'est-à-dire à la fois la passion pour l'ornithologie et le fait de créer ou de produire quelque chose qui pouvait avoir du sens et un intérêt. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas par contre forcément sur un axe, je dirais, de préparation à des fins de réalisation de trophées, par exemple. Mais notamment comme j'étais en connexion déjà à l'époque avec des amis du Muséum National, des gens qui travaillaient là-bas, j'avais quand même aussi déjà une bonne vision de ce que pouvait être un muséum et quelles étaient ses missions. Et tous les différents métiers que l'on connaît peu dans le grand public qui s'y cachent. Voilà, donc c'est pour vous dire, un parcours plutôt axé environnement et filière technique de l'environnement. Une fois par contre embauché, enfin une fois que je me suis mis à travailler de manière, enfin avec davantage de stabilité professionnelle, j'ai pu par contre par la suite me former à la partie conservation restauration des collections. C'est un autre aspect, mais qui vient compléter, donc vous voyez un cursus ou une trajectoire un peu plus large que simplement le CAP taxidermie qui existe. Mais donc oui, il existe un diplôme actuellement. Dispense, ouais. Exactement, mais qui en fait permet vraiment d'avoir un encadrement sous la forme de l'apprentissage, de bénéficier pour l'employeur public ou privé d'un contrat d'apprentissage, donc qui n'est quand même pas, qui forcément n'a pas le même coût que le contrat de travail classique. Et c'est vrai que si on perd ce bénéfice-là, déjà que la profession est en difficulté, ça serait très compliqué. Voilà. Et ça, ce CAP de taxidermie, donc c'est une formation en apprentissage pendant 2 ans, c'est ça? C'est ça, oui. C'est exactement comme on va retrouver les formes d'apprentissage sous la forme d'un CAP pour les autres métiers de l'artisanat, notamment. Donc c'est vraiment la même chose. Alors la différence avec ce que j'ai pu moi connaître, jusque ce que moi je l'ai suivi donc en 97-99, comme quelques petites années. Donc entre-temps, on était tellement peu nombreux chaque année, la profession s'est tellement écroulée, notamment dans le privé, qu'ils ont arrêté de faire l'apprentissage sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on a arrêté d'avoir une classe spécifique pour la partie taxidermie. Et donc, il y a un ensemble de métiers dits rares de l'artisanat qu'ils ont regroupés. Il y a 7 ou 8 métiers différents qui sont regroupés dans la joaillerie. Donc, il y a plusieurs... Oui, donc des choses très différentes. Voilà, qui sont très différentes, qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Mais ils les ont regroupés pour ne pas perdre le bénéfice de l'apprentissage. Et donc, mon apprenti, j'ai actuellement un apprenti en formation au Muséum de Toulouse, et cet apprenti est dans cette classe dite métier rare et donc pour ne pas perdre de bénéfices d'apprentissage. Et c'est la seule formation qui existe en France si on veut se former au métier de la taxidermie ? Exactement. D'accord. Donc en général, ce qu'on fait, c'est assez simple, c'est qu'on a tendance, enfin en tous les cas, pour un muséum, vu les attentes qu'on peut avoir, on prend souvent plutôt quelqu'un qui a déjà un parcours ou qui a déjà une formation, une trajectoire professionnelle parfois même bien spécifique. C'est-à-dire qu'on va, on va peut-être chercher à cadrer ça en amont pour venir avec déjà des compétences ou des connaissances ou une sensibilité particulière pour la suite en fait. C'est vraiment plus un support, je dirais. Et vous l'évoquiez, c'est vrai que c'est un métier en difficulté. Il y a de moins en moins de taxidermistes en France aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de taxidermistes travaillent aujourd'hui dans les muséums en France ? Alors, strictement, non, pas au chiffre près. Alors, à savoir, on doit être une toute petite dizaine, un peu moins d'une petite dizaine aujourd'hui. Sachant qu'en général, il y a un taxidermiste par musée. Plus aujourd'hui. Hein, plus d'accord. Aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Par contre, il y a quelques techniciens, préparateurs. C'est là où je pourrais peut-être pas forcément dire qu'ils sont taxidermistes à proprement parler. Peut-être qu'ils en font parfois certains. Donc, je ne saurais pas trop où mettre le curseur parce qu'en fonction des établissements, on va avoir des besoins de pluridisciplinarité plus importantes dans une petite institution. Et ce qu'on appelait avant un peu des hommes à tout faire ou des femmes à tout faire, en préparation, je veux dire, en préparation. Et ça veut dire du moulage, du dégagement de fossiles. Enfin, et donc, on avait un préparateur extrêmement polyvalent. Et il faut bien distinguer deux choses. Dans les terminologies qu'on utilise, c'est le terme de préparateur et le terme de taxidermiste. Un taxidermiste est un préparateur. La préparation, ça concerne une grande diversité de disciplines et de types d'interventions. Préparation de fossiles consiste à dégager la gangue sédimentaire pour mettre en évidence le fossile. C'est une forme de préparation des objets de collection qu'on a dans les musées. Pour autant, ça n'a strictement rien à voir avec la taxidermie. Voilà, donc c'est vraiment pour bien préciser le terme préparateur et taxidermie, taxis caxo, donc poser, déposer la peau, qui est vraiment propre à cette intervention qui consiste à restituer un spécimen qui semble vivant. Voilà, c'est donner l'illusion du vivant. C'est bien particulier comme démarche. Voilà. Et oui, donc du coup, donc vous disiez que vous seriez à peu près une dizaine en France aujourd'hui. Quoi. Oui, donc, c'est ça. C'est ça, en sachant que le Muséum National compte déjà 4 ou 5 personnes, je crois. Donc pareil, il faut tenir les comptes parce qu'il y a les départs à la retraite, il y a les départs à la retraite non renouvelés parfois aussi. Donc c'est ce qui a contribué à une baisse des effectifs ces 5-6 dernières années. On était un petit peu plus nombreux, il y a déjà eu des départs non renouvelés. Et vous travaillez au Muséum de Toulouse depuis combien de temps ? Alors ça va faire exactement, puisque j'ai été embauché au Muséum de Toulouse au mois de mai 2005, donc ça va faire exactement 16 ans. Ça tombe tout juste. Exactement. Alors, une question un petit peu plus générale qui entoure votre métier. C'est vrai que souvent, le grand public perçoit encore la taxidermie comme quelque chose d'un peu macabre, d'effrayant, parce qu'il faut travailler à la base sur un animal mort, au début du processus de naturalisation en tout cas. Est-ce que c'est un aspect qui, pour vous, était difficile à appréhender, notamment au début de votre pratique ? Ou c'est quelque chose qui, finalement, vient avec le temps, ça fait partie du travail et on passe outre ? Alors oui, ça a été au début, ça peut faire un peu un drôle d'effet. C'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui au départ a particulièrement, enfin, un rapport à l'animal mort ou comment dire, qui a à voir avec la taxidermie ou ce type d'intervention. Par contre, bon, j'ai grandi pour une partie de ma vie parce que je suis originaire de la région parisienne et j'ai grandi sur l'adolescence essentielle à la campagne. Où il était de bonne guerre de tuer son poulet pour le manger, où les gens se retrouvaient autour de la préparation du cochon, on ébouillantait le cochon. Enfin, j'ai vu ces choses-là jusqu'à la fin des années 80, où encore j'ai pu voir cette transition, cette génération-là encore qui n'était pas tout à fait encore partie à la retraite. Donc je peux pas dire que j'ai un rapport à l'animal mort qui me gênait de ce point de vue-là. Par contre, c'est vrai que c'est très très différent. L'intention est très différente, c'est pas du tout la même chose. Et avoir un cadavre comme ça d'un animal de la faune sauvage sur lequel on me dit bah voilà, on va intervenir, on va retirer la. Enfin, c'est, oui, là, ça, au début, c'est quand même assez étonnant. Enfin, c'est un peu bizarre. On est n'est pas forcément très à l'aise. Selon le format de l'animal sur lequel on doit travailler, que ce soit un martin pêcheur ou un rhinocéros, c'est quand même pas le même rapport, quoi. Enfin... Ouais. Moi, je sais, j'ai commencé dans le, j'ai suivi mon apprentissage dans une formation privée, enfin, chez un taxidermiste privé. Donc, les taxidermistes privés ont pour l'essentiel, travaillent pour l'essentiel. Ça peut être en partie un peu sur, avec de l'avifaune, donc quelques oiseaux qu'on va retrouver couramment chassés. Donc, c'est quand même lié très à l'activité de la chasse. Donc, des faisans, des canards. Exactement. Donc, il va y avoir pour partie ça. Ça peut être aussi un peu de corvidés. Il y a toujours, il y a des gens aussi non chasseurs qui amènent des fois des corvidés à naturaliser ou d'autres. Voilà, ou canaries, oiseaux, des nouveaux animaux de compagnie. Exactement. Il y a ce genre de choses aussi. Mais après, quand même, l'écrasante majorité dans la profession privée, c'était du trophée. Cerf, chevreuil, sanglier. Voilà, vous avez beaucoup ce genre de choses-là. Donc, ça, c'était. C'est pas, j'avais pas particulièrement une appétence pour ça, mais en termes de technicité ou de technique à apprendre et à aborder, on a quand même quelque chose un lien commun de ce point de vue-là. Donc ça change pas grand-chose. Donc il faut bien comprendre qu'il n'était pas du tout question, à part travailler pour un taxidermiste privé ou à faire son apprentissage, pour quelqu'un qui travaille pour des institutions publiques et qui ont des autorisations particulières pour des espèces protégées. Sinon, au moins à cette époque-là, la grande majorité des taxidermistes privés faisaient plutôt du trophée en local ou en provenance d'autres régions du monde. Donc, c'est quand même très différent de l'ambiance d'un musée. Hein. Complètement. Mmh. Et puis, c'est vrai, vous le disiez, c'est pas la même intention. C'est vrai qu'il y a un but derrière l'interrogation qui est vraiment très différent. Alors, une autre question d'un point de vue purement pratique. Dans le cadre du travail dans le musée, d'où proviennent les animaux que vous êtes amené à naturaliser ? Alors ça, c'est une question, c'est bien qu'elle arrive très tôt, parce que sinon je l'aurais moi-même abordé, parce que c'est ce que je fais généralement très tôt quand je peux intervenir, notamment auprès de scolaires ou dans le cadre de journée du patrimoine. Très vite, je le fais pour devancer, parce que l'aspect déontologie est un élément extrêmement important à mettre en évidence. Et puis parce que les questions fusent très très vite dans ce sens, de toute manière, et c'est bien légitime. Donc il faut savoir que l'écrasante majorité, ça c'est vraiment des choix de politique d'enrichissement des collections, l'écrasante majorité des spécimens animaux morts qui nous arrivent jusqu'au muséum à des fins d'enrichir les collections sont d'abord des espèces de la faune sauvage locale, majoritairement, puisque nous avons décidé dans un premier temps, ou en tous les cas ça représente un volume important, d'enrichir à partir de spécimens issus du milieu naturel de la faune locale. Ça c'est parce que l'idée c'est d'apporter un témoignage contemporain du vivant, et de le faire en plus, on le fait dans un cadre de perte de biodiversité extrêmement importante. Donc il y a à la fois la pertinence de le faire à ce moment-là. Ça nous paraît évident qu'il faut absolument qu'on arrive à constituer des collections de référence et qu'il est pertinent de le faire en ce moment, en particulier en ce moment. Donc ça, je pense que tous les muséums qui sont engagés dans une collecte et dans un enrichissement de collection sont dans cette logique-là, d'une part, en particulier à cause de cette période. Et d'autre part, par contre, ce qui nous paraissait essentiel, c'était bien d'expliquer qu'il n'était pas question pour nous de faire un prélèvement, c'est-à-dire de faire une forme de piégeage pour s'assurer une forme d'avoir de prise. Pour un animal donné. Exactement, exactement. Donc il était très clair que de ce point de vue-là, toute une série ou toute une catégorie de spécimens ne nous serait pas accessible de toute manière. Vous imaginez, ça, on peut avoir des espèces finalement assez fréquentes, assez courantes, toutes bêtes. Prenez la pie bavarde, donc c'est une espèce extrêmement courante. Nous, l'essentiel de nos entrées, en tous les cas pour ces espèces-là, pour les espèces de la faune sauvage, c'est lié à donc des causes accidentogènes, donc c'est réseaux routiers, c'est baies vitrées, choc sur les baies vitrées, c'est les grands bâtiments, c'est la ville de Toulouse ou d'ailleurs. Donc vous avez toujours un petit peu une récurrence en fait. Vous avez une récurrence, les mêmes types de passereaux, les mêmes types d'espèces fréquemment qui percutent. Et donc... Après, vous êtes un peu sur un entonnoir où vous avez de temps en temps, de manière très très ponctuelle et exceptionnelle, une autre espèce qui va rentrer un petit peu dans le lot. Mais effectivement, du coup, ça limite forcément à un certain nombre d'espèces, même si c'est très large. Hein, oui, ça reste très très large. Mais voilà, une pie. Alors, on peut en avoir par d'autres biens. Mais voilà. Donc, il se trouve que les corvidés, qui sont des oiseaux la pie, comme les corneilles et autres, qui ont des capacités cognitives extrêmement importantes et qui ont une capacité à apprendre et à faire des expériences, nous montrent que ça fait partie des oiseaux qui meurent très peu sous les coups de véhicules qui roulent à grande allure, etc. Enfin, ils font très vite l'apprentissage de la vie et ils sont extrêmement prudents. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'espèce qu'on n'arrive pas forcément à récupérer dans ces conditions. Ils sont trop futés. Alors que voilà, non, mais ça peut paraître bête, mais oui, parfois c'est ça. Alors il y en a d'autres qui vivent dans des milieux un peu plus éloignés. Si je sais pas si on prend. Alors on peut avoir par exemple un peu de martin pêcheur, des milieux aquatiques, des milieux très donnés. Parce qu'il y a quand même des mouvements de population importants, donc dès lors qu'il y a des mouvements conséquents, il y a des hivernants, dès lors que ça bouge, on peut avoir là effectivement forcément des formes de casse en quelque sorte, puis c'est une espèce qui mise beaucoup sur le nombre, donc voilà, c'est aussi une histoire de stratégie de certaines espèces, mais on voit en fait que maintenant on ouvre uniquement sur un certain nombre de catégories d'espèces, on en a récupéré beaucoup depuis maintenant 2004-2005, qu'on a ouvert cette grande collecte auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'époque, donc avec qui on avait fait ce partenariat. Donc on avait un congélateur dans les différents services départementaux à l'époque de la région Midi-Pyrénées, et donc des agents assermentés qui pouvaient déposer des animaux morts trouvés accidentellement. Qui vous gardaient en réserve, voilà. Pour vous, quoi. Ça, c'était l'essentiel d'entre eux. Aujourd'hui, maintenant, on travaille avec, donc c'est devenu l'Office français de la biodiversité, maintenant depuis un petit peu plus d'un an, janvier 2020. Et donc voilà, donc là on est en train justement de tisser d'autres liens pour voir un petit peu quelles sont les possibilités qui pourraient s'ouvrir à nous en termes d'acquisition de dépouilles en vue d'enrichir les collections. En fait, on essaye d'être opportuniste en essayant de trouver un maximum de possibilités de récupérer des spécimens qui meurent naturellement, accidentellement dans le milieu naturel. Ouais. Oui, je pensais aussi pour les espèces locales, à l'école Veto, il y a aussi un centre où il y a des soins à la faune sauvage où même les particuliers peuvent amener des animaux qu'ils trouvent blessés. J'imagine que il y a toujours un pourcentage d'animaux qui ne retrouvent pas la liberté, qui peuvent aussi vous être confiés. Mais pour ce qui est aussi, donc ça c'est tout ce qui est la faune locale et qui est la plus importante pour montrer la biodiversité locale, en effet. Pour les espèces plus exotiques, parce qu'à Toulouse, c'est vrai qu'on connaît aussi bien la girafe dans le hall d'entrée, l'éléphant. Pour ces espèces-là, bon, j'imagine qu'il y a une grosse part de spécimens anciens, mais vous en avez aussi des nouveaux qui arrivent de temps à autre. Ceux-là, d'où est-ce qu'ils proviennent ? Alors, pour des espèces qui, effectivement, sont pour l'essentiel, sur l'annexe A des conventions de Washington aujourd'hui, et qui ne sont pas en plus forcément des espèces de la faune sauvage, qui font partie des espèces patrimoniales nationales. On va avoir en fait un partenaire principal qui est avec le parc zoologique de Plaisance du Touche. Donc on est partenaire avec l'école vétérinaire, mais on est aussi partenaire avec le parc zoologique qui lui s'inscrit aussi dans un programme de conservation européen, de conservation donc d'espèces, donc à partir de conservation de la génétique et de la reproduction, qui est donc un programme qui est piloté au niveau européen, auquel il participe d'ailleurs. Les parcs zoologiques ne sont plus eux aussi dans les mêmes logiques et sont très très fortement impliqués dans la conservation de la biodiversité à différents niveaux. Et donc c'est un peu plus dans ce cadre-là que l'on va intervenir, ou qu'on va se voir proposer un certain nombre parfois de spécimens qui arrivent en fin de vie notamment. Donc si je peux donner des exemples assez récents, donc on a eu l'année dernière, on a pu récupérer une femelle de tigre de Sibérie, aussi un lion et une lionne de l'Atlas, donc une sous-espèce de l'Atlas. Donc c'est voilà, encore une fois des sous-espèces qui n'existent plus dans le milieu naturel, ouais. Parfois. Donc c'est plutôt sur ces axes-là qu'on va être avec eux. Et en plus, comme il y a un cas de partenariat, il y a aussi autour des médiations qui sont proposées d'un côté et de l'autre, donc des allers-retours, c'est des choses qui étaient en train de se mettre en place, et puis le Covid nous a un petit peu bousculé, comme bien d'autres, mais oui, en tous les cas, c'est un partenariat qui va prendre son essor de plus en plus, j'espère bien, dans les mois à venir. Voilà. On l'espère aussi. On vous laisse danser et chanter à plein poumon le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. One, two, three. Oh, car on this freeway in the sun. Race is nearly over and people on the run. There are stars in your eyes, you better wish fast. You never know how long these things will last. African skin. What keeps you out but keeps the beat in? On a bed of nails, you wonder why you don't sleep. Life holds a lot of promises you just can't keep. Oh, break away. Gotta go see what your best friends say. Oh, how love has a station. Gets you to your destination. And oh, how love has a way. Nothing to beat it, don't care what you say. A sense of God, some sense in me, some sense for the world that it can see. You've got motorcycle style, you've got good dress sense. You'll be great in a war, but this is a suspense. One day I'll forget your telephone phone and all those moments of the leisure I was on. Shining free. Hold your hand when you're down in the dirt. And when you're cold, I'll give you my best share. Oh, oh, oh, break away. Go see what your best friends say. Oh, how love has a station. Gets you to your destination. C'est American Cars de Sam. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pi. Nous revoici avec notre invité Brian Aiello, taxidermiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Il nous présente son métier rare et méconnu. Alors, vous prenez régulièrement des apprentis. La taxidermie, c'est devenu un métier rare, donc c'est vrai que les formations, les possibilités d'apprendre restent un peu restreintes. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous tenez particulièrement à transmettre à ceux qui vont vous succéder dans ce métier de taxidermiste? Après, j'ai ma propre sensibilité. Peut-être, je sais qu'elle peut être parfois assez différente de. Elle n'est pas radicale, je dirais pas ça, mais elle peut être assez différente d'un certain nombre de mes confrères. qui parfois peut-être se sentent un peu plus investis dans un champ un peu artistique ou une approche comme ça. Enfin, pour moi, elle est juste un vecteur. Elle est le moyen d'accéder à, en fait. Et ça veut pas dire que je mets de côté une certaine forme de rigueur. Je suis quelqu'un qui est particulièrement attentif à ça. J'aime bien l'ordre, l'ordonnée et la rigueur de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, il y a énormément de formes artistiques. Le dessin, la sculpture sont par défaut extrêmement rigoureux. Et donc, pour moi, c'est pas antinomique du tout. C'est quelque chose qui me convient assez. Et c'est quelque chose que j'essaye davantage de transmettre, c'est-à-dire que on peut arriver à produire quelque chose avec un propos naturaliste relativement juste, avec un travail de rigueur, de fond de rigueur, comme on peut apprendre à bien dessiner, à bien sculpter, sans pour autant être un grand artiste reconnu, mais à dégager l'essentiel. Je pense qu'on peut acquérir un certain nombre de compétences qui le permettent. Et c'est plutôt cette rigueur-là et cette compréhension de l'anatomie que j'essaye, qui est vraiment un travail de fond et qui pour moi est l'essentiel. Après, acquérir de la dextérité, enfin voilà, il faut du temps, il faut de la... c'est pas en 2 ans qu'on va, réussir, c'est vraiment un peu court, 2 ans pour... on voit l'essentiel en fait en 2 ans. Hein. Mais c'est plutôt ça. Et évidemment après moi je m'inscris en faux. Pour moi on n'est absolument pas dans le champ de l'art puisque enfin j'estime que il faut avoir une démarche. Ce qui caractérise l'artiste est quand même une démarche. On peut effectivement avoir la même chose qui est dans le champ de l'art. Enfin un spécimen naturalisé peut être dans le champ de l'art comme d'autres types d'objets peuvent l'être. Oui, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'il y a un propos. Peuvent l'être, mais généralement ils ne sont pas pour rien. Ils ne sont pas arrivés à être présentés dans tel. Enfin. Il y a un cheminement et il y a une interrogation et une intention qui est plus spécifique. Là, l'idée, c'est pas parce qu'il y a un très haut niveau de technicité dans tel ou tel métier de l'artisanat que ça signifie qu'on est dans le champ de l'art. Enfin, parfois, on entend, mais c'est quand même assez artiste. Enfin, il faut quand même être artiste. Mais il y a pour la joaillerie, pour un tas d'autres métiers que je connais aussi un petit peu, il y a un niveau de technicité qui est extraordinairement important, quoi. Et ça signifie pas que c'est encore une fois, le mot art et artisanat ont un sens, ont un lien commun. Mais j'essaye aussi d'expliquer ce qu'on est, ce qu'on fait. Et quelles sont nos intentions aussi? Enfin voilà, j'essaie qu'on ait une démarche claire de ce point de vue-là. Et surtout, on est des individus se mettant vraiment. On travaille pour l'institution pour laquelle on est employé. On travaille pour elle et dans le sens de son intérêt à elle. Le fait de considérer que ça puisse être une fin en soi ou que l'intérêt individuel puisse s'exalter autour de la préparation me gêne un peu. Mais c'est aussi parce que j'ai profondément une passion et une animation naturaliste qui m'a toujours animé. Et bien que j'y prenne aussi beaucoup de plaisir, ça reste plus un vecteur véritablement d'information, plus qu'un moyen d'exaltation. Enfin, je suis beaucoup plus heureux d'un certain point de vue de pouvoir voir du gypaète dans les Pyrénées quand je fais, parce que je le fais beaucoup aussi. À d'autres périodes, je l'ai beaucoup fait, de la surveillance d'aigle de Bonelli, de gypaète barbu. Ça m'anime beaucoup plus profondément de ce point de vue-là. Enfin, j'ai besoin de les retrouver, de les voir survoler les pics pyrénéens. Ça, oui, ça, je trouve ça exaltant. Ah, là, c'est différent. Voilà, c'est... Il y a vraiment cette idée d'être au service du message à transmettre, de la demande de l'institution, qui est un cadre bien donné. Il n'y a pas cette idée de création. Je crois que je vois la différence de création artistique avec un propos de beau, de visuel, de message qui peut être politique ou engagé. L'idée, là, c'est vraiment d'être au service de l'animal, de rendre quelque chose d'objectif. Je ne sais pas comment le traduire mieux, mais... Si vous voulez, c'est vrai que j'ai du mal à résumer ma pensée, mais ce n'est pas évident. Mais l'idée, c'est d'avoir une considération très importante pour le propos naturaliste. C'est la véracité du propos naturaliste, ça doit nous animer, c'est l'essentiel de ce qui doit nous animer. Donc c'est pour ça qu'on doit aller chercher de la documentation, c'est pour ça qu'on doit restituer quelque chose qui colle au plus vrai, au plus juste, ce qu'on pourrait voir dans le milieu naturel. Ça, c'est la partie production, qualité de la production. Et donc là, on doit vraiment avoir tous les éléments aujourd'hui, je veux dire, avec tous les supports que l'on a, avec l'évolution des métiers, des matériaux, des connaissances. On doit pouvoir, normalement, avoir quelque chose de très abouti de ce point de vue-là. d'une part, et d'autre part, on le fait effectivement en étant au service d'une institution, c'est-à-dire que dans l'ordre des choses, c'est avant tout ça qui prime, et sûrement pas le plaisir de se dire, bah moi je préfère la plume, donc je fais davantage le petit passereau. Ou bah voilà, ouais. C'est, vous voyez ce que je veux dire, ouais. c'est on n'est pas là pour ça. Si à un moment donné on doit développer une naturalisation de plusieurs reptiles ou plusieurs, enfin peut-être ça plaît moi j'adore, enfin hein, j'ai pas d'a priori en fait, hein, j'ai pas de préférence, même si je suis ornithologue, mais j'adore le défi par lui-même et les défis techniques. Et surtout, j'ai absolument besoin que ça ait un sens. C'est-à-dire qu'on le fait parce que effectivement on va aborder telle ou telle exposition, pourquoi pas. On le fait pour enrichir les collections, pour que nos futures générations puissent aussi bénéficier de ces objets-là. On le fait en fait parce que ça a un sens. Oui. Enfin, ça a un sens immédiat ou moins immédiat, mais ça a un sens profond et ça a un sens pour l'institution. Et c'est ça qui doit, voilà, c'est là où on doit s'effacer, à mon sens. Voilà, c'est ce qui prévaut. Et pour conclure, je voulais savoir sur quel projet travaillez-vous en ce moment. Est-ce que vous êtes en train de naturaliser un animal en particulier en ce moment? Alors en ce moment, donc je travaille beaucoup avec mon apprenti. On est pour l'instant sur des phases de travail qui consistent pour lui à assimiler l'ensemble des phases de travail sur du mammifère, petit mammifère, puisqu'on commence par ça généralement. Un peu moins difficile à aborder dans un premier temps, un peu plus facile à lire l'anatomie d'un mammifère qu'à d'un oiseau. Pour l'instant, en apprentissage, on fait l'oiseau, le mammifère. On fait pas d'autres types de spécimens. Trop court en 2 ans. Voilà. Et c'est sur l'oiseau et le mammifère que possiblement l'examen peut porter. Donc, c'est ce que l'on voit essentiellement. Donc, on est plutôt sur la petite faune locale pour l'instant. Et on travaille en ce moment sur des besoins de la médiation, notamment sur le développement du hors les murs. Donc on fait du rat, nos petits mammifères parfois très très proches de nous, un peu mal aimés souvent. Parfois mal aimés. Donc on a une chouette hulotte, on a du rat, de l'écureuil, des petites espèces de la faune proche de nous, urbaine pour certaines. Et donc là, pour des besoins de médiation. Et puis, de toute manière, continue à se faire l'enrichissement des collections. En fait, on a un listing des espèces remarquables qu'on a pu récupérer. Et donc, on a un peu un ordre des choses, on va dire, idéal dans le cadre de l'intérêt scientifique et patrimonial des spécimens. C'est-à-dire qu'on a une vue globale sur même plusieurs années de naturalisation, ah oui, de production. Ben oui, parce qu'on en a vraiment beaucoup. Et sur cette vue globale-là, en fonction effectivement des choix d'exposition qui vont être faits, en fonction de la programmation de l'établissement, eh ben on va faire en sorte... Vous faites remonter dans la liste. Voilà, on va faire en sorte d'avoir... Par exemple, on a un ensemble de spécimens qui ont un intérêt à enrichir les collections. Et en fonction effectivement de la programmation, ben on va privilégier telle ou telle production. Où on va dire, voilà, si on aborde tel ou tel sujet, voilà ce que nous avons récupéré jusque-là, voilà ce que nous pourrions faire. Ça nous paraît prioritaire. Et à partir de là, en fait, comme on l'a fait, par exemple, on a fait une exposition sur les rapaces. Ça faisait pas mal d'années qu'on récupérait des rapaces et qu'on n'avait pas toujours le temps, en fonction de la programmation, de les naturaliser. Ben, on en a fait un certain nombre à ce moment-là. C'était l'occasion d'enrichir les collections d'une part et de les présenter immédiatement d'une autre part, quoi. Et puis, voilà. Il y a le côté... C'est vrai que, oui, c'est ça, je me suis mal exprimée, mais le côté exposition, ça donne une deadline. Parce que j'imagine que des spécimens en attente de naturalisation, vous en avez... pas mal, un certain nombre. Donc oui, ça permet de prioriser et de faire dans l'ordre. Eh bien, merci beaucoup, Brian, de nous avoir donné un aperçu détaillé de votre métier, aussi diversifié que rare, et de ses missions d'utilité publique. Et comme le métier de Brian est multifacette, une seule émission ne suffit pas à en faire le tour. Je vous donne donc rendez-vous au prochain numéro pour continuer à explorer le métier de taxidermiste. La suite, bientôt. On finit comme d'habitude avec quelques conseils lecture. Pour finir cette émission, j'aimerais vous conseiller quelques ouvrages, sites internet et films pour aller plus loin. Concernant le parcours hors du commun de Jeanne Villepreux-Power, l'héroïne de cette chronique, je ne peux que vous rediriger vers le site internet de l'association Jeanne Villepreux-Power, femme de science et artiste. Aquarelle, biographie, correspondance, vous trouverez sur le site de l'association une foule de documents passionnants à l'adresse jeanne-villepreux-power.org. Apprenez également qu'un projet de financement participatif a été mené fin 2020 sur le site Ulule par l'association et le scénariste et dessinateur Yannick Lelardoux pour créer une bande dessinée dédiée à cette inventrice de génie. Le livre est annoncé pour décembre 2021 à vos agendas. Pour les plus anglophones d'entre vous, je vous conseille également l'album illustré Women in Science, 50 Fearless Pioneers Who Changed the World, 50 pionnières sans peur qui ont changé le monde, écrit et illustré par Rachel Ignotowski. Ce livre présente 50 scientifiques féminines de toutes les nationalités, époques et disciplines pour remettre les femmes à leur juste place dans l'histoire des sciences. Chaque présentation sur deux pages se compose d'un portrait et d'un texte qui résume la vie de la scientifique présentée. Les couleurs vives et le dessin rond de Rachel Ignotowski sont joyeux et attrayants. On y retrouve Mary Anning, découvreuse de fossiles, Jane Goodall, primatologue, Joanne Beauchamp-Proctor, herpétologue, mais aussi Ada Lovelace, mathématicienne, Wang Zhenyi, astronome, Marie-Agnès Chase, botaniste et suffragette, Xian Chung-Wu, physicienne, Vera Rubin, astronome, Valentina Tereshkova, cosmonaute, Mamie Phipps-Clark, psychologue et activiste, Katia Kraft, volcanologue et tant d'autres. Un livre incontournable. Et pour finir, si vous voulez continuer à explorer les coulisses d'un autre muséum, celui de Paris, et découvrir des métiers de l'ombre, je vous conseille le livre « La vie au muséum, parcours et métiers insolites » de Valérie Aga, édité par Delachaux-Niesley et le Muséum d'histoire naturelle de Paris. L'ouvrage, paru en 2018, dresse le portrait de 15 personnes qui travaillent ou vivent dans les bâtiments du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Plongé à la rencontre de Babin, le chef jardinier du Jardin des Plantes, de Pascal, le professeur de dessin de la Grande Galerie de l'Évolution, de Véronique, restauratrice à la Bibliothèque Centrale qui chouchoute les vieux livres, d'Alain, gardien de nuit, ou encore de Gérard, le commandant Dousseau, chef soigneur de la ménagerie aujourd'hui retraité, qui parle toujours avec émotion de ses anciens pensionnaires. Outre ces métiers hors du commun, on découvre des sensibilités, des valeurs, des aventures un peu hors du temps. Le livre, très beau, entièrement vêtu de gris et de jaune, est agrémenté de nombreuses photos en noir et blanc et chaque entretien donne la sensation d'une rencontre intime, d'une confidence. On finit sa lecture touché, ému, comme après une jolie rencontre. Je vous le recommande donc chaudement. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenitpi.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.